si je menace tous tes gars. Personne sait t'es qui j'arrive et tu t'écales. Bouge pas, je t'allume pas sur le CLM. Je rentre le sol salut, je fais trois fois ton salaire. Je vise le top 3 du rap game, ouais. Je fais que du sale, il faut me permis. J'attends encore un peu où je les termine. Allergique au mythe quand tu parles de ternie. Mon petit loup, il faut speed sur le bloc et ralentir. La femme t'écoute quand tu loup, à zéro en prison, il est quand il est. 1-0, je suis le leader, passe des BRK. Je suis dans la zone, je zone, t'es max, t'as tes sous les air max. Barreau la nuit dans la zone, t'es max, ça sent trop casser les photos. Barreau la nuit dans la zone, t'es max, ça sent trop casser les. J'ai mon 3K, j'ai mon bloc. Je pense, il peut des balles fortes, ça c'est lui qui se la prend. J'étais sur le 4 temps, je roule en 4 feuilles. Je vais faire 4 meufs, j'ai cherché ton smartphone. Tu connais quoi de ma vie? Bah ouais, si on descend, on peut te monter en l'air. Mais tu connais quoi de ma vie? Bah ouais, sur le passé c'est pour tirer en l'air. Et puis solo, je fais le beat, je ne fais la note. Je remets 3 dans le body et je vais pas raconter ma vie. Assis sur un rocher, je viens écouter ma nouvelle chemise et je dis les gros, je suis dans.